África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. .3, la jungle des luttes, FPP, merci de nous écouter. On est en direct comme tous les troisièmes lundis du mois, de 19h à 20h30 et retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30. Et on va aujourd'hui, après un petit retour du Mexique, parler essentiellement peut-être de ce qui se passe au Mexique et notamment... sur les territoires zapatistes au Chiapas. Et on a notre copain de décalage horaire, son émission du dimanche, qui est là avec nous, qui me permettra de pouvoir dialoguer et de ne pas être seule. Je suis un peu toute seule sur ce programme de radio, un petit peu de mal, vous avez peut-être pu vous en rendre compte. Des fois, c'est un petit peu poussif, là, nos programmes. Dernièrement, on a même annulé le mois dernier. Donc, voilà, peut-être que ça va permettre de dynamiser cette petite émission de radio. On est quand même content d'être avec vous. Et vous n'hésitez pas, si vous voulez nous appeler d'ailleurs, pourquoi pas, nous poser des questions. Et voilà, peut-être qu'on pourra aussi peut-être des petites informations sur ce que fait le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, donc le CSPCL, puisque ce programme est proposé par le CSPCL, donc justement. Et pour ceux qui n'écouteraient pas jusqu'au bout, on se réunit le 1er, 3e et 5e mercredi du mois à partir de 20h30. C'est une assemblée ouverte. Donc vous êtes invités à venir pour nous parler ou pour nous poser des questions sur les zapatistes ou partager autour des zapatistes, mais surtout autour de toutes les luttes qu'on pourrait appeler en bas et à gauche. Bon, écoutez, merci de nous écouter. On va faire une petite pause musicale avant de commencer notre émission. À tout de suite. En donde ciertos días llovieron fuegos de sangre y rostros, y el silencio de muchos muertos enterrados en la neurona de la historia. De laberintos y traiciones llenaríamos los libros de los niños que nunca han visto Santa Claus es matando ciegos en la pared. Ese lugar que esconde las heridas en el arconte miente que viaja al norte sin perder. Y así sigue habiendo la reunión del pueblo, las manos que empuñan libertad. Donde por siglos se han ultrajado pueblos consumidos en el abismo de una gloria por el delirio neoliberal. Donde los cientos de mentiras se han mantenido hundidas en el culo de los bandidos que han saqueado lo que han podido a la sociedad. Ese lugar que esconde las heridas en el arconte miente que viaja al norte sin perderse. Y así sigue habiendo las manos que empuñan libertad. Écoutez la jungle des luttes. Merci de nous écouter. Donc, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte vous présente ce programme. Donc, du coup, aujourd'hui, comme je vous l'annonçais, on va parler un petit peu de ce que moi j'ai vu, puisque j'en reviens récemment. Donc, ça permet d'avoir des nouvelles toutes fraîches et de se dire je vais peut-être partager ce que j'ai vu au Mexique et notamment surtout au Chiapas. Et donc, comme je vous le disais, il y a Stéphane de Décalage Horaire qui est avec nous, qui va peut-être pouvoir aussi poser des questions, parce que parfois on connaît et on croit que tout le monde comprend, mais finalement c'est bien d'avoir une petite voix qui nous dit « Hey, tu peux nous expliquer ?» ou alors au contraire pointer des choses qu'on ne verrait pas comme importantes. Donc je vais peut-être vous parler vite fait des apatistes pour ceux qui ne connaissent pas du tout. En général, les gens connaissent facilement ce qu'on a pu, la personne qu'on a pu toujours médiatiser, ça a été le sous-commandant Marcos, quelqu'un de masqué avec une pipe, puis qui s'appelle sous-commandant Galeano. Et donc, derrière, ou surtout même devant ce personnage, il y a des milliers, des centaines de communautés, de paysans indigènes qui se sont donc soulevés le 1er janvier 1994, qui ont crié « Ya basta », c'est-à-dire « ça suffit ». Et donc pour proposer le changement à tous les niveaux, eux en tant qu'indigènes, en finir avec le racisme, l'humiliation, et face à l'État vendu aux États-Unis avec l'accord de l'ALENA, une occasion pour se rendre visible justement ce 1er janvier 1994, et dénoncer la corruption, la dictature et le système capitaliste, et donc avec tous ces méfaits, oppression, desporro, expulsion, répression, tout. Et donc voilà, ce soulèvement a déjà fêté donc ses 25 ans le 1er janvier. C'est une grande histoire, donc on ne peut pas reprendre tout comme ça là d'un coup. Mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que donc, ces communautés sont en résistance depuis 25 ans, en guerre contre l'État et le système capitaliste, et donc ont développé leur autonomie et également mobilisé les Mexicains, mobilisé les consciences au-delà du Mexique et partout dans le monde, et ont permis peut-être à beaucoup de penser que oui, il fallait s'organiser autrement pour pouvoir en finir avec le capitalisme, et en tous les cas, peut-être pas en finir avec le capitalisme, mais être en mesure d'inventer un autre monde pour nous et pouvoir y vivre dignement tous ensemble. Donc les apatistes, c'est un bel exemple d'autonomie. C'est marrant ce que tu dis, Virginie, parce que hier, il y avait un sujet que j'ai vu sur les Indiens Navarro aux États-Unis. Et il y a des choses qui résonnent, des similitudes dans les persécutions dont tu parlais. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ton dernier voyage, dont tu étais là-bas il y a peu de temps. Qu'est-ce qui t'a frappé particulièrement cette fois-ci, ces jours-ci ? Donc, ce qui m'a frappé, c'est les apatistes nous avaient mis la puce à l'oreille avec leur déclaration, c'est-à-dire un président qui donc dit de gauche et donc au pouvoir, ce qui est un événement au Mexique, effectivement, puisque... Il n'y a jamais eu de parti depuis bien longtemps dit de gauche, mais surtout parce qu'on sait tous qu'il ne fera absolument pas une politique de gauche aujourd'hui. On est systématiquement impliqué, en tous les cas, sur les grands projets, sur le développement du pays, du système capitaliste, il n'y a pas beaucoup de possibilités. C'est compliqué au Mexique avec les États-Unis à côté, forcément. Oui, la guerre contre le narcotrafic qui crée énormément de violence, et donc un président qui ne propose pas grand-chose et qui, en tous les cas, a surtout été élu avec 30 millions de voix, ce qui est énorme du coup, et ce qui montre aussi que les personnes vont forcément céder, puisque pour eux, c'est plutôt un moment de soulagement. Et donc, les apatistes préviennent, attention, parce que le pire arrive précisément. Et en tous les cas, on veut aussi, sur le territoire zapatiste notamment, avec un projet qui s'appelle le Tren Maya. Et donc, c'est tout un circuit, évidemment, touristique. Et donc, je l'ai écouté parler en arrivant sur place là. Et donc il parle sans aucun texte, sans aucun, puisqu'il dit absolument rien. Il dit tout simplement, faut juste développer le sud, qui est en retrait par rapport au nord et au centre du pays. Et donc voilà, le tourisme. Et puis finalement, il dit, ah oui, quand même. Voilà, ce qu'il va falloir assurer, c'est la sécurité. Mais quel genre de tourisme il a ? Il émet des précisions là-dessus ? Non, mais rien, ni même, il vante même pas le fait que ce soit une question d'emploi, plus d'emplois, meilleurs services pour les populations. Il dit juste que ça va faire forcément, évidemment, progresser le pays sans rien expliquer. C'est-à-dire que c'est vraiment de la fumée. Et par contre, il précise bien qu'il va falloir sécuriser les territoires. Donc c'est plutôt... ça alerte, puisqu'il rien, il dit rien sur quel bénéfice, quel type de tourisme, à qui ça va profiter, évidemment, mais ça, on ne dit jamais que ça va profiter aux entreprises. On dit toujours que ça va, en général, développer l'emploi et les services et les accès, les routes, etc. Donc voilà, un bénéfice global pour tous. Et donc là, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'a même pas besoin de dire ça. Il suffit de dire qu'il va sécuriser le territoire pour que ça rassure les gens. Et donc, bon, tu t'aperçois du climat de violence dans laquelle les politiques nous entretiennent aussi. C'est-à-dire que du coup, avec ce type de discours, ça entretient l'idée qu'il n'y aurait que violence autour de nous et qu'il faut compter sur l'État pour... Et concrètement, par rapport à ça, donc aujourd'hui, dans les Chiapas, on le vit comment ? On le ressent comment ? Donc sur le territoire zapatiste, donc une fois que tu vois que le Mexique pour le moment se garde de se mobiliser contre les grands projets, on voit quand même qu'il y a eu un assassinat pour ceux qui sont intéressés et donc suivent un petit peu. Il y a eu l'assassinat d'un leader qui luttait contre une thermoélectrique dans une autre région que le Chiapas, donc au Mexique, avec une mobilisation autour, parce qu'évidemment, c'est une lutte qui a mobilisé les gens de la région et autour. Et il y a un grand réseau de solidarité. Mais voilà, ça reste du coup une réalité, c'est-à-dire qu'on meurt facilement au Mexique. Et donc, les mobilisations ont lieu, beaucoup plus qu'en France en général, si tu veux, c'est vraiment massif. Mais par contre, sur le Chiapas, il n'y a pas réellement pour le moment de vraie mobilisation. Par contre, les territoires zapatistes sont, eux, en pleine réorganisation, justement. Mmh. Parce que ce qu'ils voient venir, c'est la lutte contre ce train Maya. Donc, on en a parlé, je crois, au mois de janvier, hein, de ce train Maya, où on avait justement précisé la façon dont ça s'est produit, l'annonce de ce train Maya, où il a fait toute une cérémonie... type indigène pour demander à la Terre d'accueillir ce projet, et comme si la Terre allait pouvoir accepter un projet qui la détruise. Donc la Terre-Mère, hein, pour les indigènes, puisque c'est la base et c'est fondamental, et donc un peu une sorte de moquerie, de mépris aussi, si on connaît vraiment bien de quoi il s'agit. Donc voilà, les zapatistes se préparent à lutter contre ce projet qui donc va passer sur des territoires zapatistes et pas seulement, et donc mobilise les gens et alerte les gens sur ce projet qui va venir, que lui promet, promet une mise en place très rapide. Au Mexique, aujourd'hui, il y a quand même des associations, notamment pour la préservation de l'environnement, qui commencent à être actives. Elles sont mobilisées aussi sur ce dossier ? Ouais, il y a forcément... C'est pas encore flagrant, en tous les cas, sur ce que moi, j'ai pu ressentir. J'ai pas eu le temps d'y rester longtemps et de pousser les investigations. Après, il y a énormément d'associations, il y a énormément de vies militantes au Mexique. Il y a des associations, des communautés entières qui sont capables de se mobiliser. C'est-à-dire, énormément de projets quand même sur le Mexique. C'est un pays qui est riche et qui a beaucoup de... J'en ai vu un, j'ai un exemple par rapport à la rivière Colorado qui s'écoule depuis les États-Unis et qui débouche au Mexique. Et il y a notamment une association qui s'est battue pour faire revenir l'eau dans l'estuaire, pour y recréer de la faune, de la flore propre à un environnement écologique comme l'estuaire, qui est extrêmement riche. Et ça bénéficie à tout le monde. Et en particulier au Mexique. Et donc on voit qu'il y a quand même des victoires qui commencent à arriver. Ça, c'est un sujet fort, parce que celui dont tu parles, parce que ça veut dire quand même à nouveau venir détruire la Terre, parce que ce ne sont vraisemblablement pas des projets qui prennent en compte la préservation de l'environnement, j'imagine. Non, bah, pas, non mais pas du tout. Pas et du tout. Si tu veux, après, le fait est que même s'il y a, 'fin, y a plein de victoires, et il y a aussi énormément une grosse répression quand même qui est sur les mouvements sociaux. Donc il y a plein de petites victoires, mais il y a énormément de répression. Après, moi, je suis pas du tout alarmiste. C'est pas l'objectif de l'émission, c'est pas d'alerter. En même temps, si, envie d'alerter sur la mobilisation, parce que en termes de protection, la solidarité, c'est important. Donc il faut être attentif. Et c'est pas seulement avec le Mexique, c'est partout. Après, nous, notre lien, il est très fort avec le Mexique. Et donc, justement, il y a une autre situation qui est assez difficile pour les apatistes aujourd'hui. C'est de, bon, dans un premier temps de pouvoir se réorganiser pour affronter ce projet qui passe sur leur territoire. Parce qu'il y a eu des projets sur lesquels il y a des choses qu'ils ont pu stopper, les apatistes, en 25 ans. Il y a plein d'autres victoires, n'importe quoi, plein d'autres luttes sur lesquelles ils n'ont pas pu réussir à vaincre l'État, comme par exemple Agua Azul, où ils n'ont pas pu empêcher qu'il y ait une entrée payante, et avec l'installation d'un site touristique, bon, à petite échelle, mais en même temps c'était une rivière autour desquelles les gens vivaient, c'est une communauté qui vit autour des cascades. Donc voilà, ça a été des années de lutte. Bon, voilà. Après, sur le train Maya, je pense qu'ils ont vraiment envie d'être vraiment présents. Et donc pour ça, il y a une réorganisation. Donc une réorganisation concrète de l'autonomie. C'est-à-dire que c'est une structure. Les apatistes, ils ont une armée, ils ont un commandement, et ils ont des bases. Les bases éparpillées sur tout le territoire du Chiapas, c'est divisé en 5 zones, 5 caracoles. Et donc, il y a... 5 caracoles, 5 escargots. Voilà. Et donc, c'est là qu'il y a leur lieu de gouvernement autonome. Et donc, ça mobilise énormément de gens sur ces 5 caracoles. Dans chacun des caracoles, il y a plusieurs équipes qui tournent. Tous les 3 ans, il y a plusieurs équipes qui tournent. Donc la charge politique est tournante pendant 3 ans, puis on change d'équipe pour les 3 autres années à venir. Donc voilà, il y a beaucoup de gens mobilisés qui donc prennent en charge cette question de l'autonomie, et en même temps, du coup, c'est des va-et-vient entre la commandance qui relie les 5 caracoles, qui est aussi cette sorte de lien, qui sont peut-être aussi ceux qu'on met plus en vue... dans tout ce qui est dialogue ou communication extérieure, c'est un peu eux souvent qui prennent la parole et qui sont les porte-parole de toutes ces communautés et de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants en résistance. Donc mobilisation déjà aujourd'hui, mais il faut là ils se réorganisent précisément, faut amplifier concrètement cette mobilisation. Et alors toi, pendant que tu étais là-bas, tu l'as vécu comment ? Tu as fait quoi exactement sur place ? Ben donc nous, concrètement, on va notamment là-bas parce qu'on importe le café zapatiste. Donc, aller voir les producteurs, rencontrer ce qu'on appelle la mesa directiva, comment ça s'appelle ça en français ceux qui... Le bureau administratif. Ouais, voilà, le bureau administratif. de la coopérative. Et donc, en fait, on a toujours rendez-vous au Caracol, donc avec les équipes de gouvernement qui sont à cette époque-là en poste, en charge. Et donc, voilà, donc on a eu cette discussion autour du café. Donc, profitez-en, on a encore du café si vous voulez donc justement en acheter avant le prochain arrivage qui n'est qu'en septembre. D'ici là, on peut boire le café de l'année dernière, encore très bon. Et donc, si vous voulez nous écrire pour éventuellement vous en procurer, c'est cafésolidaire@ nolog.org, donc no-log.org. Si jamais vous voulez du café, alors évidemment plutôt en grosse quantité parce qu'on n'a pas de magasin et donc on n'a plus de permanence non plus. Mais donc si jamais vous voulez acheter une dizaine, une vingtaine de cafés, vous mettez en groupe, on peut s'arranger pour, vous pouvez nous écrire, on peut s'arranger. Et parce que voilà, c'est l'un des produits qui ramène de l'argent, ce qui permet, puisque l'autonomie et l'autosubsistance n'est pas encore à son plein, en tous les cas l'autosuffisance, donc il y a aussi besoin d'argent hein, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc le café, c'est l'un des produits qui rapporte de l'argent, qui peut un peu... permettre, surtout nous, du coup, l'objectif étant de retirer des bénéfices de cette vente. Donc, nous, on le fait bénévolement, donc on n'est pas salarié, c'est pour ça qu'on n'a pas de boutique, etc. Donc, on essaie d'avoir le maximum de cette façon-là, le maximum de bénéfices qu'on répartit aux 5 caracoles pour qu'eux puissent avancer dans des projets autres que le café. C'est-à-dire qu'on paye les producteurs, évidemment, mais par contre, les bénéfices, c'est pour tous. Donc voilà, ça c'est l'une des tâches importantes à faire quand on va là-bas au Mexique. Et donc notamment aller aussi dans les autres caracoles pour donner ses bénéfices et en profiter pour les rencontrer. Il y a d'autres projets qu'on a souvent, dont on a parlé régulièrement, mais donc là ça a été, c'est comme ils sont en réorganisation, il y a plein de choses qui ont été difficiles à mettre en place. Notamment donc rencontrer les femmes qui font de l'artisanat et donc que je ramène régulièrement et que c'est pour ça qu'on a des fois des belles tables avec des super trucs. Bon bah là on va écouler les stocks des autres années en attendant d'y retourner, d'en avoir de nouveau à nouveau. On peut voir ça quelque part, il y a des photos, des je sais pas. Vous pouvez venir à tout ce qu'on organise, nous, le CSPCL. Nous avons notre table de presse avec des livres, des DVD, des films et de l'artisanat. C'est où et quand ? Quand est-ce qu'on va faire quelque chose là ? Pour le moment, on est en train de travailler, justement. On a plutôt mis en place des groupes de travail. Donc, on n'a pas pensé à faire trop des événements type concerts ou discussions info. Là, pour le moment, on n'a pas de date. Par contre, on a le site cspcl.ouvaton.org. Donc là, vous pouvez voir nos activités, prendre des infos et puis aussi nous rencontrer donc les 1er, 3e et 5e mercredi à 20h30 pour échanger. Et donc, il y a d'autres projets. Par contre, si on veut parler des projets, il y a un truc qui était quand même super important. C'est un projet dentaire, donc ça on vous en a peut-être parlé. On a un copain qui est dentiste dans notre collectif qui donc a pu faire des ateliers de formation à différentes époques depuis plusieurs années, avec du coup l'objectif quand même que d'autres puissent les aider quand lui n'est pas là. Donc il y a eu aussi un copain prothésiste du Mexique qui lui a apporté son savoir et donc qui a formé des techniciens hein, dentaires, là, enfin des prothésistes. Et donc là, ça y est, quoi. Il y a un prothésiste à Morelia, le matériel, le laboratoire a été acheté parce que le copain qui les a formés part plus ou moins... On ne va pas dire à la retraite encore, mais du coup, a priori, il ne retravaillera plus dans son atelier. Et donc, du coup, il leur a vendu le matériel. Donc, il y a dentiste, prothésiste à Morelia. Donc ça fait partie des grandes avancées quand même, puisque c'est en termes d'autonomie. Il y a concrètement encore plein de choses qui manquent, mais en tous les cas, plein de choses qui sont porteuses. Donc là, on est content d'avoir pu d'être solidaire avec ce projet, d'aller jusqu'au bout et de voir que ça a porté ses fruits et de voir que justement, ça se passe à Morelia parce que nous, on le connaît, on le sait, mais il y a d'autres caracoles, d'autres zones, puisque Morelia, c'est l'un des caracoles. De savoir que ça progresse dans plein de disciplines. On va peut-être faire une petite pause musicale et puis on se retrouve très vite.

tu vis comment? Tu bénéficies de quel type de service? Et quelle est ta vie au quotidien? C'est ça qui est intéressant. Alors, quand on est zapatiste à la base, concrètement, ils sont toujours dans des paysans. Ça, c'est la base. Donc, ils vivent toujours dans les communautés où ils vivaient. Dans les communautés, ça peut être 500 personnes, 23, jusqu'à 1000 personnes parfois. Ça, c'est une grosse communauté. Il y a pas de, mais il y a beaucoup de petites communautés, des plus grandes. Donc, à l'époque du soulèvement, beaucoup de communautés étaient toutes entièrement zapatistes. Au fur et à mesure du temps, il y a des zapatistes qui sont sortis de l'organisation zapatiste, mais qui sont toujours, qui vivent toujours là où ils vivent, là où ils vivaient en 94. Il y a des nouvelles personnes qui se sont faites zapatistes dans d'autres communautés. Donc en fait, concrètement, géographiquement, tu vis là où tu vis, tu as des terres, pas de terres. Alors par contre, ils ont pris des terres en 94, donc il y a des communautés qui ont été constituées de zapatistes du fait d'avoir pris les terres. Et donc voilà, ils sont paysans. Et par contre, pour les zapatistes, tout a changé, puisque du coup, l'école, alors beaucoup n'avaient pas accès à l'école. Les filles, évidemment, n'allaient pas à l'école, puisqu'il y avait aussi le poids de la tradition indigène, en plus de la discrimination, en plus de la difficulté à avoir accès à une école, concrètement, en termes d'heures, de chemin, de route, etc. Donc voilà, donc du coup, maintenant, les enfants zapatistes vont à l'école, une école faite par les zapatistes pour les zapatistes. Il y a dans toutes les communautés, maintenant, une maison de santé zapatiste ouverte à tous, pour le coup. Il y a une entraide entre communautés, ce qui veut dire que si dans une communauté, il y a eu un problème de culture ou une attaque de paramilitaires, donc les autres communautés vont se solidariser, faire en sorte que ces personnes puissent récupérer du maïs pour s'alimenter et puissent s'organiser pour se protéger des paramilitaires. Donc la vie a énormément changé et il y a aussi énormément de réunions parce que tout ça, ça va avec une organisation et une mobilisation des gens eux-mêmes puisque ce n'est pas une instance supérieure, même s'il y a une commandance effectivement qui commande une armée qui est soumis à la direction politique et le CCRI, donc le conseil le Consejo des commandants révolutionnaires indigènes. Et donc voilà, ça c'est leur commandant. Ces commandants, ils ont une existence dans les communautés. Il y a des commandants dans chacun des 5 zones dont on parlait, là, des caracoles. Donc voilà, c'est des paysans comme tout le monde, ces commandants. Ce n'est pas des militaires. Et donc il y a énormément de travail politique aussi, en plus de cette nouvelle vie au quotidien. En fait, tout ça, ça s'organise avec beaucoup de travail. Et toi, tu étais dans une partie de la communauté qui était proche du café, tu en parlais tout à l'heure? Du coup, moi, là, concrètement, je suis allée surtout voir au siège des caracoles. J'ai essentiellement visité les caracoles, d'autant que du coup, comme ils sont en train de se réorganiser, ils étaient surtout en réunion, là, 10 jours de réunion, tous dans un seul lieu, vers Morelia, où là, ils ont eu 10 jours de réunion. Non, non, pas du tout. Là. Non, mais là, ça a été même un peu assez improvisé. Je veux dire, ils sont vraiment dans une sorte d'urgence de réorganisation. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas prévues. Après, moi, j'ai surtout parlé dans leur réorganisation. Il y a notamment la volonté de pouvoir peut-être un peu plus développer la vente de leurs produits, c'est-à-dire pas seulement du café, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses au Chiapas. C'est un territoire très riche. Et donc, il y a plein de communautés zapatistes où il n'y a pas de café, mais par contre, il y a énormément de produits. Et donc voilà, ils sont en train de penser à comment ils peuvent un peu aider l'économie de ces personnes qui ne sont pas forcément caféiculteurs et qui n'ont pas du coup d'apport, et qui donc sont obligées de négocier ou de travailler ou de ou de vendre leurs produits aux coyotes, comme on dit, et donc du coup d'être complètement dépendant de ce marché capitaliste qui fait que l'offre, la demande, etc. Et donc tu perds pas, machin. Bon, bref, voilà. Du coup, l'objectif, c'est un peu d'ouvrir un autre marché, ce qui existe avec le café, donc, puisqu'il y a tout un réseau d'acheteurs liés à la solidarité ou au commerce équitable pour certains groupes. Ouais, sur le café, sur le guarana aussi au Brésil, en Amazonie par exemple. Oui, mais en fait, du coup, ça te rend dépendant de cette matière première très convoitée. Voilà, c'est mais un en atout fait, pour mais la le, communauté. Mais sauf que du, voilà, pour la communauté, mais pas pour les apatistes en fait, parce que du coup, tu t'aliènes tout simplement à un produit. On voit quand il y a eu la roya, qui est une maladie, un champignon qui a bouffé tous les plants de café, mais pas seulement au Chiapas et au Mexique, mais même en Amérique centrale. Là, tu t'aperçois que tous ceux qui avaient besoin d'acheter du café dans le monde, hein, parce qu'ils sont quelques-uns à acheter du café un peu partout dans le monde, et là, tu vois bien qu'ils ont monté les prix parce qu'il fallait être le premier à choper le café, parce que tu n'allais pas avoir assez de café pour pouvoir maintenir ton économie. C'est-à-dire, même nous, on a vu, on a eu 3 fois moins de café, mais nous, ça va, notre économie, elle ne dépend pas du tout du café. Donc, on avait eu beaucoup moins de bénéfices à ramener cette année-là, entre guillemets, puisqu'il y a eu beaucoup moins de café à vendre. Donc. Mais du coup, eux, par contre, les apatistes, ils ont énormément souffert. Donc, je pense que c'est important aussi qu'ils assurent une économie avec d'autres produits, donc de pouvoir justement répartir cet effort. Et en plus, il y a le réchauffement climatique qui a des impacts, hein. On est bien obligé de se le dire, et tout le monde le sait en plus. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'impacte pas non plus la réalité de l'agriculture au Mexique et au Chiapas notamment. Tu vois. Donc là, par exemple, plus tu es bas en altitude, plus il y a d'humidité et plus c'est difficile. Et d'ailleurs, les cafés de qualité, c'est en haute altitude. Donc, du coup, on voit bien que ça... Donc, sur les Chiapas. Au Chiapas, il y a de tout. On est très haut, très bas, très si, très... la mer. Ça veut dire quand même qu'il y a des variétés de café recherchées et donc des produits qui peuvent être des produits... Bah, sauf que le café, justement, c'est ce que je te disais, le café, c'est vraiment dans les hauteurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a des apatistes qui n'ont pas du tout de café puisqu'ils sont dans des plaines, basse altitude. Eux, ils n'ont pas de café, par exemple. Donc, il y a des milliers de gens, des dizaines de milliers d'apatistes qui n'ont pas de café. D'autres, oui. Donc, si tu veux, ça, c'est des gros déséquilibres qu'il y a sur les zones apatistes. Et donc, leur réorganisation, c'est aussi lié à ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut... Il faudrait fédérer un petit peu. Finalement, après 25 ans d'autonomie qui a progressé de la communauté, le début du soulèvement, les communautés étaient autonomes au niveau de la communauté. Très vite, il y a eu un niveau du municipieux qui s'est créé pour pouvoir relier quelques communautés entre elles pour que du coup il puisse y avoir une sorte de visibilité entre voilà, toutes ces communautés, elles fonctionnent ensemble, celle-ci, en gardant l'autonomie au niveau de la communauté également. Puis après le municipios, il y a eu les caracoles. Où donc du coup, ils ont réussi à pouvoir peut-être plus facilement mutualiser, répartir, etc. Mais du coup, tu t'aperçois que finalement, dans ces 5 caracoles, ils n'ont pas tous avancé à la même vitesse. Et qu'il y a des caracoles dans lesquels il y a beaucoup de retard sur certaines questions. Par exemple ? Un peu tout. C'est-à-dire, du coup, il y a des caracoles où la question des femmes, ça n'a pas été mis beaucoup en avant. Donc, beaucoup de femmes en retrait. Et d'autres où la question de l'éducation, des fois, elle a peut-être été un peu laissée de côté. Donc, il y a des communautés qui n'ont pas beaucoup avancé. Parce que voilà, c'est à chacune des communautés de mettre en place. Et donc, du coup, le municipio, ça permet juste de se rencontrer à ce niveau-là et de se discuter, de partager. Mais au départ, c'est vraiment la base, c'est la communauté. Donc, la communauté c'est de vie. Une volonté ou c'est lié à des lacunes? C'est un mélange de tout. Il y a beaucoup de solidarité aussi qui a été focalisée sur les mêmes lieux. Donc, il y a des gens qui ont rencontré beaucoup plus de gens extérieurs qui ont pu leur apporter beaucoup plus de soutien pour développer des projets, rapporter de l'argent aussi. Et donc, du coup, tant que tu n'as pas une instance, entre guillemets, au-dessus qui voit tout et qui dit « Mais attends, il y a trop de gens qui vont là-bas et trop de gens qui ne vont pas là-bas », et donc en fait il y a une sorte de répartition d'efforts, d'organisation, de partage, de mutualisation, et je pense que on se dit il était temps, et en même temps d'autres qui disent oh là là ça fait peur parce que ça veut dire quoi non voilà, c'est, je pense qu'après toutes ces années d'autonomie, je pense que je trouve ça assez intéressant qu'ils réussissent à finalement juste monter d'un cran pour se dire bon voilà, on va encore monter d'un cran pour que au fur et à mesure on puisse vraiment être plus équitable. Ouais, c'est un laboratoire d'idées quelque part. Les apatistes, énorme. Ouais. Oui, ben, d'ailleurs, il y a toujours des gens qui continuent à aller là-bas, à découvrir. Il y a plein de gens qui sont nés. Les apatistes existaient déjà. Et pour peu qu'ils soient nés dans un moment où on n'entendait pas parler d'eux, on peut très vite passer à côté de cette existence, qui est une belle expérience. Après, on fait souvent référence. Mais en même temps, il y a plein d'autres expériences dans le monde, hein, évidemment. Après, les apatistes, c'est une expérience qui dure. Déjà, et qui est lié aussi à une vraie décision politique. C'est-à-dire que des fois, il y a eu des organisations par défaut, entre guillemets, c'est-à-dire pour te défendre, tu t'organises et du coup, ça crée une nouvelle vision et une nouvelle organisation au sein même des groupes, des communautés, etc. Là, c'est vraiment la volonté. Donc, du coup, il y a vraiment une grosse détermination. Enfin, moi, c'est ça qui m'impressionne toujours. C'est-à-dire que du coup, ça fait 25 ans, il y a une détermination. Moi, il y a des gens que je vois donc depuis... ça fait concrètement, ça fait depuis 99, où j'y vais régulièrement. Donc, ça fait 20 ans, du coup, qu'il y a des gens que je vois et qui sont toujours là, des enfants grandir. Il y a des enfants qui ont connu que le zapatisme, en fait. C'est beaucoup, puisque 25 ans, ça fait déjà beaucoup. Ça perdure, mais alors il y a encore des avancées à effectuer. Tu parlais tout à l'heure de certaines inégalités qui existent encore par rapport aux femmes, par exemple. Inégalités, oui. Bah, alors inégalités, oui, pas que. C'est surtout la mise en retrait déjà dans un premier temps. Enfin, c'est-à-dire que du coup, par rapport à l'égalité, il y a eu beaucoup, on le sait, il y a eu dans l'armée zapatiste, il y a eu des femmes, il y a des commandants de femmes. Du coup, maintenant, les femmes ont accès à travailler la terre. Enfin, du coup, il y a une à ce niveau-là, finalement, bon, il y a une avancée. Par contre, il y a énormément de femmes qui peuvent encore être tout à fait en recul. La violence faite aux femmes a énormément réduit, mais il reste encore parfois, on entend par-ci, par-là, voilà ce qui se passe dans un foyer. Parfois, ben voilà, ça c'est pas, ben voilà, il y a pas de caméra dans les foyers, donc on, voilà, et les femmes, par contre, justement, la différence avec, enfin, ce qu'on aurait pu imaginer, c'est que les femmes prennent plus la parole vu qu'elles ont eu plein d'exemples au sein même ou de leur communauté ou de leur municipieuse de prendre la parole, et tu t'aperçois que les femmes zapatistes prennent pas du tout encore la parole vraiment. Donc certaines l'ont prise, donc ça donne l'idée, l'image que effectivement on les voit à tous les postes, on voit des femmes absolument partout, à charge politique, dans l'armée aussi, des femmes qui sont caféicultrices et qui sont dans la coopérative et qui sont au même titre que les hommes. Donc oui, voilà. Donc et après dans l'intimité, après voilà, je crois que c'est un vrai travail, c'est long, c'est une question d'éducation, c'est long de se défaire d'une éducation, d'une mentalité. Avec bah, du coup peu d'accès à la lecture, avec du coup justement beaucoup de rencontres avec... Mais elles ont justement organisé l'année dernière cette fameuse rencontre des femmes du monde en résistance, où il y a eu un débordement total en nombre de participations. Elles ne s'y attendaient pas du tout et les inscriptions étaient bien en deçà de... Finalement, il y a eu des queues, des kilomètres de queues. Il y a eu bien quasiment. Au-delà. Ah ouais, bien au-delà. Ouais. 9000 personnes qui sont passées, donc pendant 3 jours, que des femmes, avec des rencontres. Et donc, là, tu t'aperçois qu'il y a eu. Que ça a bougé et que c'est les femmes zapatistes qui ont organisé ça elles-mêmes. C'est une grande victoire et elles ont surtout vécu ce moment-là. Et donc, vu aussi plein d'autres femmes. Dans d'autres situations et à pas comprendre non plus mais aussi peut-être à se rendre compte de tous les pas qu'elles ont encore à faire, non pas pour devenir comme les autres, mais en tous les cas en s'apercevant qu'il y a peut-être des choses qu'elles savent peut-être pas faire facilement et à savoir parler d'elles et du coup de pouvoir dire des choses qui peut-être se disent pas comme voilà il y a c'est ce qui est primordial pour tout ça, c'est l'accès à l'éducation. Finalement, l'accès à l'éducation, aux échanges, à l'information. Moi, il y a une chose qui m'a gêné tout à l'heure, ce que tu as dit, que l'éducation s'était pris en main par les apatistes et fait pour les apatistes. Mmh. Mais est-ce qu'il n'y a pas danger à faire ça, de se fermer justement aux bonnes idées extérieures et puis de toujours véhiculer le même message? On voit qu'il y a des dangers aussi à ça, parce que c'est bien d'avoir un autre point de vue sur un sujet aussi. Ça peut amener à s'ouvrir, à être dans la mesure où il y a un gain, il y a un côté positif, hein, bien évidemment. Mais attention à ne pas se fermer de ça non plus, c'est une question. Bah, c'est une très bonne question parce que c'est la vérité. Si on ne connaît pas bien les apatistes et puis si on ne détaille pas sur le fait que du coup, dans un premier temps, l'éducation, ça reste quand même assez limité, hein, assez basique aussi. Il y a très peu de niveaux type lycée, si on peut dire, tu vois. Donc, on reste sur des matières et des niveaux assez basiques. Et après, il y a eu des tentatives. On a Internet ou pas? Alors maintenant, avec les nouveaux téléphones et puis les 4G qu'ils essayent d'implanter un petit peu partout, maintenant, il y a Internet très facilement. Et donc ça, c'est la vraie révolution depuis 2 ans. C'est que les apatistes maintenant, bah, du coup, ils ont des téléphones et accès à Internet depuis chez eux. Alors évidemment, pas tous, puisqu'il y a des territoires très isolés. Mais je vais finir sur l'éducation, parce que c'était quand même une bonne question. Et donc, du coup, la question de la remise en question, je dirais que si on connaît les apatistes, on sait que les apatistes eux-mêmes se remettent très facilement en question et se remettent systématiquement en question et sont capables de critiques. Et donc, du coup, moi, j'ai rarement vu des groupes encore en action pouvoir être aussi critiques vis-à-vis d'eux. Et donc, justement, sur la question des femmes, etc., c'est des critiques qui se font à eux-mêmes. C'est aussi des critiques qui se font entre eux. Après, évidemment, il y a plein de critiques qui s'adressent à eux-mêmes. Et donc ça, c'est assez inhérent à l'être apatiste de pouvoir se critiquer, savoir que ce que tu as appris, tu peux peut-être le remettre en question. Et après, il y a un savoir essentiel pour eux, c'est la Terre. Donc ça, il n'y a pas de vraie, mauvaise, bonne réponse. Après, il y a eu beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur qui les ont aidés, évidemment, parce que justement, il y a énormément de gens qui ne savaient pas lire et écrire. Donc déjà, dans un premier temps, il faut qu'il y ait une génération qui sache lire et écrire. Et donc, des gens qui les ont aidés à former des apatistes eux-mêmes en mesure plus tard. Donc, ils sont partis de zéro. Et donc, pour avancer, il a fallu qu'il y ait des gens extérieurs qui viennent. Et donc, ils ont fait eux-mêmes le tri des gens avec qui ils avaient envie de travailler ou pas. Il y a des gens qui ont été chargé d'une belle aventure où là justement dans la zone de Morelia, c'est celle que je connais le mieux, où ils ont fait une sorte de petite université où là il y avait des personnes extérieures, étrangères, hein, la plupart, et ben, c'était pas mal aussi parce que du coup justement c'est aussi quand on est d'un autre pays, on a une autre façon aussi de regarder et de poser des questions. Et donc ils avaient de l'histoire, de la philosophie, des maths, de l'espagnol, et un axe de professionnalisation, entre guillemets, sur côté santé. Donc, avec prévention, question de prévention, etc. Donc, c'est une sorte de mini. Le programme, c'était sur 3 ans. Hein, et donc, du coup, ils n'ont fait qu'un cycle. Mais en tous les cas, les 120 jeunes qui ont participé à cette école ont vécu quelque chose de un peu d'inédit et sans doute qu'il sera retenté autrement, autre part, ou peut-être déjà, et je ne suis pas au courant parce qu'il se passe tellement de choses qu'on n'a pas vu sur tout ce qui se passe sur ces territoires. Oui, c'est certain qu'avec avec l'Internet, c'était la question que je t'avais posée au milieu de ta réponse, il y a beaucoup de changements qui vont arriver parce que justement l'information va circuler plus vite. Ben, ils savent, les apatistes savent très bien qu'ils ne maîtrisent pas du tout ce qui peut venir, puisque ce n'est pas eux, et que c'est une autre génération, cette génération et sa génération, parce que là, on en est à la deuxième là, qui arrive quand même, du coup. Donc, ben, voilà, du ils ont par exemple fait marcher en 2014 pour les 20 ans du soulèvement, ils ont fait marcher essentiellement des jeunes en silence, mais sur pour un peu leur transmettre, pour qu'ils se rappellent d'où ils viennent, pour qu'ils se rappellent l'organisation, l'effort et l'ancrage dans la résistance, la lutte politique et la volonté, et que du coup, il y a un chemin à suivre. Après, on est libre de devenir zapatiste ou pas. Ça, c'est quand même aussi une vraie importance. Enfin, c'est quelque chose d'important à dire. C'est-à-dire que du coup, personne n'est retenu zapatiste, n'est jamais jugé après ne plus être zapatiste ou condamné à quoi que ce soit, quoi. Mais on laisse chacun décider de son propre sort. Voilà, c'est pour ça que je dis que pour que du coup ces gens-là soient toujours mobilisés 25 ans après, tout simplement parce que la détermination politique, elle est première. C'est-à-dire que c'est pas non plus... c'est ça qui est assez impressionnant, justement. Que moi, j'ai toujours plaisir à retrouver, surtout quand j'y vais, en fait, même si on a l'impression que peut-être ça avance pas assez vite, parce qu'on aimerait qu'ils avancent encore plus vite pour nous laisser croire encore plus fort que ouais, c'est possible. Une telle détermination, ça, c'est loin de nous, je pense, surtout, en fait. On a du mal à s'imaginer, c'est grand comment, ce territoire ? Alors, le Chiapas, c'est très grand, mais très peu peuplé. Il y a 3 millions d'habitants au Chiapas. Et le territoire, ce serait à peu près grand comme... je ne m'en rappelle plus, pourtant, à une époque, j'en ai parlé. Mais, c'est quand même comme la moitié de la France, peut-être presque, hein, en exagérant un petit peu, mais... on a un tiers. Et donc, du coup, il y a énormément d'espaces non habités, beaucoup de petites communautés, justement. Et il y a des zapatistes qui sont à 400 mètres les uns des autres. 400 kilomètres, pardon. Entre la zone frontière Tabasco et puis, au contraire, tout le sud frontière Guatemala-Pacifique, il y a des centaines de kilomètres. Et donc, les distances... il y a des gens qui se sont jamais connus, certains sont même de toute façon jamais déplacés vraiment très loin. Et toi, tu te déplaces comment alors ? En bateau ? Pour aller au Mexique, tu veux dire ? Non. Oui, en bateau, pour aller au Mexique en avion, et quand on est sur place, il y a les collectifs... des bus collectifs, là, en général, c'est... Collectif. Ça marche pas mal, les transports là-bas, vu que les gens n'ont pas beaucoup de voitures. On peut très vite faire... après, on met beaucoup de temps. Pour faire 200 km, tu mets 4-5 heures facilement, alors que tu relis deux villes importantes du Chiapas, hein, c'est des villes importantes. Parce que la route n'est pas forcément top. Et puis, pas du tout top. Il y a du monde. Du coup, les cartes touristiques, ils les font même passer par une autre route, parce que ça, c'était à cause des assaltos, des braquages, tout ça. Donc, du coup, donc ça a libéré la route quand même, donc c'est pas mal. Mais... ça, c'est les bus touristiques. Après, je sais pas dans quelle mesure. T'as pas eu trop peur dans les bus ? Non, ça va. Non. Non, moi, je crois aussi que ça fait partie. J'ai plus peur quand je prends ces trucs touristiques, quoi, parce que je les ai jamais pris d'ailleurs, finalement, depuis très, très, très, très, très, très longtemps. Même jamais. Et du coup, je sais pas dans quelle mesure eux, là, ces cars-là, sont plus dangereux que d'autres. Mais en tous les cas, il y a. En fait, le vrai truc, c'est que vu qu'ils avaient été sans doute effectivement quelquefois rackettés, il y a eu un système de sécurité qui a été mis en place. Et donc, il y avait des patrouilles qui devaient suivre, accompagner le car. Donc, au bout de quelques mois, ils ont dit non, on ne va pas pouvoir gérer. Donc, ils les font passer par une autre route, de manière soi-disant moins dangereuse, etc. etc. Donc, voilà, il y a des petites choses comme ça. Ceci dit, il y a des choses assez hallucinantes, hein, qu'on me racontait. Là, on va peut-être faire quand même une petite pause musicale, là. Hein ? C'est bien. Ouais. Parce que sinon, j'ai une anecdote, on n'en finit jamais. 106.3 FPP, merci de nous écouter. C'est la jungle des luttes. Musique. Qué bonita es mi tierra, todos los lugares, los lindos mares y los bosques, de la costa hasta la sierra. Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi nación. Una grandeza de cortezas y mi inspiración, pero está en picada, poco a poco se lo lleva la chingada. Los lindos montes están entalada, el humano es el animal más desarrollado de la tierra. Con el pensar, hay quien solo piensa sin razonar, hay quien solo piensa sin liberar la parte espiritual, la parte del contacto entre el carnal, la parte en que todos somos hijos de la madre natural. Qué bonita es mi tierra, de donde provengo, qué tanto le debo, aquí la llevo en el bolsillo desde que soy un niño. He conocido tantos lugares espectaculares, y dime de dónde sales, si todos somos hijos de las madres naturales. Respiramos y nos alimentamos, necesitamos la energía del sol y de la alegría. Y si no entendemos, y si así seguimos, tú verás que nos extinguimos. El humano es el animal más desarrollado de la tierra. Con el pensar, hay quien solo piensa sin razonar. La parte espiritual, la parte en que todos somos hijos de la madre natural. El agua llegó primero, los elementos vienen detrás. Así te vas, la luna y la montaña unidas para explicar que el corazón en el tiempo no deja de palpitar. Que una rebeldía no va a parar, no deja de respirar. Que el corazón en el tiempo no deja de palpitar. Que un corazón en el tiempo no deja de palpitar. Que un corazón en el tiempo no deja de palpitar. Realidad que no exista más que esta realidad, que es la realidad. El agua llega primero, los elementos vienen detrás. Y el agua y los elementos no tienen enemistad. Las estrellas y el cielo unidos para explicar que un corazón hace un sueño y un sueño la realidad. Que un corazón en el tiempo no deja de palpitar. Con, latiendo la tierra y su corazón. Con, latiendo la tierra y su corazón. Latiendo la tierra y su corazón. Latiendo la tierra y su corazón. Juegan los días, la que tú eres un diva. cansada, tal vez bastante fastidiada. Llega el momento en que no quieres saber ya nada. Ama de casa un poco triste, nunca supiste lo que perdiste. Ama de casa un poco triste. Ama de casa un poco triste, nunca supiste lo que perdiste. Horas con horizontes siempre iguales, atrapa el tiempo con sus achaques y sus manos. La jungle des luttes, c'est donc FPP 106.3, la jungle des luttes, programme proposé par le CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On a parlé donc pas mal de ce qui se passe au Chiapas et dans les communautés zapatistes. Et donc du coup, on parlait de réorganisation, on parlait aussi de la violence du système, que les zapatistes subissent depuis des années ou ont plutôt décidé d'affronter. Et donc, du coup, on parlait du train Maya. Donc, ce train Maya, a priori, plutôt financé par une entreprise chinoise, apparemment. C'est pour ça qu'on a peut-être du mal à trouver ceux qui financent, puisqu'on essaye un peu de faire des recherches avec le comité de solidarité, enfin avec le CSPCL. On a, et d'autres, le CSIA et encore plein d'autres collectifs qui se proposent là. Et donc, je vous invite justement à nous rejoindre pour réfléchir un petit peu à tous ces projets et à pouvoir se mobiliser, parce qu'il n'y a pas que des projets au Mexique. Il y a des projets un peu partout dans le monde. Et donc, si vous avez envie d'essayer de récolter des informations et de pouvoir peut-être faire des actions groupées, pourquoi pas, ou en tous les cas, une réflexion, il y a souvent des banques françaises qui investissent sur des projets qui sont ici ou là. Et donc un peu mutualiser tout cet effort de recherche que plusieurs collectifs font chacun dans son coin. Et je pense que c'est important de prendre la mesure aussi de tout ce qui se passe ensemble. Et donc on a, suite à l'appel des apatistes du 1er janvier, c'est-à-dire à être attentifs au Mexique, à ce qu'ils projetaient, donc notamment sur leur territoire, le train Maya. Il y a aussi l'appel à depuis toujours à nous tous, partout où on est, à lutter comme on peut, avec nos façons, avec nos moyens, à tout ce qui se passe autour de nous, la répression, ou les grands projets, lutter. On a souvent appelé ici à ce programme les copains de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Il y a plein d'autres ZAD un peu partout. On sait que... Il y a Bure aussi qui est en résistance et qui connaît des moments difficiles. Donc, on vous invite à vous mobiliser ou aussi à venir partager avec nous. Et donc, on a appelé, suite à l'appel donc, des apatistes, un peu toutes les personnes qui sont reliées. Là, il y a eu une réponse de différents collectifs à une réunion. Et donc, on a un peu tous ensemble vu l'urgence de se poser la question sur... ces grands projets, comment on peut essayer de se mobiliser avant qu'il soit trop tard pour certains, avant que d'autres se mettent en place. Donc, il y a eu une réunion qui s'est faite en février, il me semble, et plusieurs réunions. Et la dernière réunion, on a mis en place justement ces groupes de travail autour de ces trois thèmes qui sont donc les grands projets et la défense du territoire. Et la terre-mère chez les indigènes, territoire pour chez nous, si on peut dire, terre-territoire. On n'appelle pas ça terre-mère, mais c'est comme ça que ça peut se penser aussi. Et une autre table de travail, un autre groupe de travail ou de réflexion, de discussion, de partage autour de la question de la répression et des prisonniers politiques. Et une autre table autour de la question des femmes et de la résistance et de tout ce qu'on peut faire pour faire avancer cette lutte et contre les discriminations de genre, là, notamment sur la question des femmes. Donc on vous invite éventuellement à nous joindre, à vous relier avec le CSIA aussi, qui se mobilise pas mal. C'est le comité de solidarité avec les Indiens d'Amérique, qui ont plein d'informations à nous partager, d'autres collectifs basques et puis d'autres individus, collectifs de Guyane, de Madagascar. Donc on a plusieurs... voilà, c'est ouvert et l'idée, c'est un peu de pouvoir partager, de faire éventuellement des actions communes sur voilà, selon nos recherches et comment on identifie un peu qui est à la base de ces projets qui sont souvent des pays dits du premier monde, États-Unis, Canada et certains pays d'Europe, Espagne, France, Allemagne, Belgique, Angleterre. Donc voilà, du coup, si vous avez envie de partager avec nous, on n'a pas encore fixé véritablement de date, il me semble, pour ces groupes de travail, de réunion. Par contre, donc, comme je vous le disais, on a toujours cette réunion du 1er, 3e et 5e mercredi du mois à 20h30. Et donc, il y a fort à faire aussi sur la question donc, de la répression, puisque si on parle de la France, on sait que depuis le mois de novembre, le samedi, il y a des manifestations appelées par les Gilets jaunes, qu'il se passe plein de choses autour des Gilets jaunes, avec les Gilets jaunes. À côté, on sait qu'on peut avoir plein de débats. Il se passe quelque chose, en tous les cas, aussi au niveau des politiques et de la répression, de la police, des lois. Et beaucoup de... On n'arrive peut-être pas à avoir encore bien le recul là, sur ce qui est en train de se passer, mais il y en a qui essayent de faire un comptage. Là, et en tous les cas, on voit bien qu'il y a des nouvelles lois. Et donc, il est intéressant aussi de se poser la question sur la France en tant que pays qui produit énormément d'armes et dont l'économie est facilement, on pourrait dire, fonctionne avec l'armement, même si c'est une facette qui n'est pas souvent développée et mise en avant. Et donc, il y a un petit fanzine là de Radio Zinzine qui est dans le sud de la France, qui justement... fait un appel pour bloquer l'usine Alcetex et toutes les usines d'armement du 29 au 31 mars 2019. Et donc, il y a des choses en région parisienne. Et donc, voilà, si vous voulez vous référer, là, c'est le numéro 760 là, du petit fanzine de Radio Zinzine Info. Et donc, voilà, il y a des appels à mobilisation. Donc, il y a la liste des différentes... usine avec les fabriques de grenades lacrymogènes dans le Finistère, ou bien des fabriques de pistolets à Saint-Étienne, ou bien encore des centres d'expertise et d'appui logistique à Le Chesnay dans les Yvelines. Donc voilà, il y a des choses à faire. On sait qu'il y avait eu aussi des recherches qui avaient été faites à l'époque. Puisqu'on sait que la France a formé et forme depuis longtemps la police au Mexique. On a eu l'occasion justement de faire des rapprochements et de voir à quel point voilà, y a des pays qui sont liés par de la formation, pas seulement de la police, mais on sait qu'il y a eu l'exportation aussi des méthodes de torture qui sont liés aux expériences de la guerre en Algérie. Donc voilà, il y a plein de choses à partager si vous avez aussi des infos. Donc voilà, nous on pense que c'est important d'essayer de vraiment se mettre en contact, se relayer, de créer une sorte de base de données pour qu'on puisse tous aussi un peu puiser là-dedans et chacun, selon nos activités, pouvoir les utiliser. Donc voilà, on vous invite à partager nos activités, nos petites tables, nos groupes de travail. Si vous voulez des infos, si vous pouvez regarder le site donc du CSPCL, cspcl.ouvaton.org. Vous pouvez nous écrire également pour voir un peu comment ça se passe. Et puis, donc voilà, éventuellement, vous mobilisez là où vous pouvez. C'est un petit peu l'appel qu'on voudrait vous faire, pas forcément avec nous, mais c'est le moment de se mobiliser. Pour FPP également, qui a toujours des soucis de subventions, des soucis de manière générale, le système, voilà, pour tout le monde. Mais du coup, FPP, puisque vous nous écoutez, pensez à apporter son soutien à FPP. On fait une petite pause musicale et on se retrouve. Que da las obras, sus obras inconclusas y más impuestos para pagar toda su parafernalia. La prueba de que el progreso que presumen es una infamia. A los que escupen en la cara por su ascendencia indígena o africana, por su género, creencia o por no tener ni un peso en la bolsa, víctimas de intolerancia. Somos los del empleo por un sueldo escaso y una larga jornada. Los que luchamos diariamente por abrigo, techo y alimento por los nuestros, sobreviviendo sin lujos, nos llaman clase baja. Somos presos políticos, los desaparecidos, los aporreados por los puercos por gritar protesto. Somos la prueba de la guerra sucia y su vigencia en estos tiempos. Somos las víctimas del mal gobierno. Somos nosotros la base del progreso de los ricos a cambio de un par de pesos. Los que buscamos un mejor mañana para nuestros hijos, un mejor mañana que parece incierto. Somos nosotros la base del progreso de los ricos a cambio de un par de pesos. Los que buscamos un mejor mañana para nuestros hijos, un mejor mañana que parece incierto. Somos el campesino cansado de ser explotado por el latifundio, resistiendo ante lo adverso. La mano obrera que con sudor en la frente lucha por lo que merecen, que le niegan, que es la libertad y tierra. Somos del gueto, del barrio, del vecindario marginado, a los que niegan la justicia por estatus y apariencia, a los que vienen con sus cuentos sobre libertad y democracia. Somos el pueblo inquieto en resistencia. La marginación no nos limita para contrarrestar su mierda. La palabra es nuestra arma. Somos a los que esos putos creen que engañan. Yo, a los que esos putos creen que engañan. Sí, es golpe, toco y libre. Deep Sound Producciones 2010. Sí. Yo, este es el año. La jungle des luttes, donc on a quelques minutes encore ensemble. Donc il y a peut-être plein d'anecdotes qu'on pourrait encore raconter un petit peu sur Chiapas avant de se quitter. Et notamment donc vous appeler à être attentif, ça c'est sûr, et donc à vous mobiliser, c'est sûr. Et sur les anecdotes, du coup on parlait justement de tout à l'heure, avant que Stéphane de décalage horaire nous quitte. D'ailleurs, c'était sympa qu'il soit avec nous et je le remercie. Et donc, on allait parler de ce qui se passait au Mexique et de la corruption et de la violence également et de comment ça s'installe. Et il y a justement une expérience qu'on m'a racontée, que je n'ai pas vécue, d'un bus collectif justement au Mexique, à Mexico, dans la ville de Mexico, qui partait plutôt vers une banlieue, les extérieurs. Mexico, c'est une ville très, très grande. Du coup, très étendu sur plus de 60 km, et du coup, des banlieues encore autour qui font en sorte que voilà, c'est les mégalopoles, comme on appelle. Et donc, il y a dans ces bus là, souvent on parlait d'assalto, c'est-à-dire de raquettes dans les bus touristiques, mais il y a aussi du coup un racket qui se fait assez régulièrement dans les villes, et il y a un tel degré. De corruption un peu généralisée, que du coup les gens sont finalement assez passifs et stoïques sur un certain nombre de situations, et de tellement de violence finalement sont capables d'accepter que, donc c'est ce qu'on me racontait, des gars montent et disent « bon ben voilà, vous le savez, donc voilà, c'est la coopération volontaire ». Et donc voilà, ils passent et tout simplement les gens donnent ce qu'ils ont à donner, et donc préparent aussi quelque chose à donner, puisqu'ils savent que régulièrement sur ce trajet-là, ça va leur arriver sur leur trajet de travail. Et donc du coup, bah voilà, tout le monde coopère, et puis ils descendent et ils montent dans le prochain. Donc ça évite effectivement la violence, c'est très rapide. Et voilà, ça c'est une situation en même temps qui est permise, qui permet aussi de créer un climat de peur et de soumission à la violence, donc un climat général un petit peu dégradé à ce niveau-là, même si au Mexique on continue à vivre encore plus ou moins normalement, avec des réflexes pour certains complètement ancrés effectivement dans la méfiance, mais en même temps voilà, on continue à vivre. J'ai pas vraiment vu de changement, si ce n'est que les anecdotes te racontent qu'effectivement il y a une tension et une violence qui s'installe, et que les médias profèrent évidemment pour maintenir les gens dans cette climat de méfiance, et sans compter donc la répression des mouvements sociaux. Et ça, on le répète, et je pense que c'est important de le regarder aussi ici, ce qui est en train de se passer, de se mobiliser pour ça. Et donc, voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. On est donc le prochain troisième mercredi du mois, si c'est, ça ne doit pas être le lundi de Pâques quand même, je n'ai pas vérifié. Mais donc, du coup, on se retrouvera donc normalement en direct, troisième lundi, retransmis donc tous les quatrièmes jeudis de 8h à 20h30. Et donc voilà, vous pouvez nous retrouver mercredi prochain si vous voulez, puisque le troisième mercredi, ça va être mercredi prochain. Donc vous pouvez nous retrouver au 33 rue des Vignoles, dans les locaux de la CNT, à 20h30. C'est une assemblée ouverte. On aimerait bien que les gens nous rejoignent en ce moment, vu qu'on n'est pas seulement nous le CSPCL, mais qu'on a cette volonté de pouvoir un peu créer des ponts entre les luttes, ce qui était l'objectif du CSPCL, qui fêtera ses 25 ans l'année prochaine, en février. Donc, voilà, c'est déjà dans moins d'un an. Il faut qu'on commence à y penser. On aimerait bien faire ça en grand quand même, 25 ans. Et voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Le site du CSPCL, c'est cspcl.ouvaton.org. Et pour ceux qui voudraient du café, puisqu'il nous en reste, c'est l'adresse mail pour nous écrire, c'est cafésolidaire@no-6log.org. Merci à vous et merci à FPP, la Lucha Sigue. N'oubliez pas d'être solidaire avec FPP. Merci pour la technique, Stéphane. Listos para

calavera, con la muerte regresamos a la tierra, tierra. Mueve la cadera, calavera, con la muerte regresamos a la tierra, tierra. Soy la escena guerrillera, matagüera, echando el gabacho pa' afuera, declarando guerra, guerra, guerra, declarando guerra. Cause we've been living in this inner city walls on, where they label me the enemy since I was born. I been grinding for 1 minute, occupy my home. But now I'm grown and I'm taking back every motherfucking thing I own. Cause the seeds of revolution have been sown. The seeds of revolution have been sown. Make it known, make it motherfucking known. Hell peace with the blue eyes, recognize it's the invention of the brown race at the border. We're taking over, we multiply. The sheep are warriors, giving birth to soldiers. Never like soldiers, we're taking over. So now you're bearing us, you're killing us. You got the migra patrolling us. Minutemen shooting us, ain't no controlling us when we fight for justice. Minutemen, what you better understand is you've been living a stolen land. So now it's time to pay your dues. Before you shoot me, I'ma shoot you. Like a Zapatista, Lisa with my whole crew. The people of this nation, brown mothers of regions, fast up for liberation on the front line. With a baby on my left and in a right of nine. Preparada to defend mine. Bye.